Le vendredi en fin de journée, Laurent quitta Purpan un peu plus tôt que de coutume. Rentré chez lui, il prit d'abord une douche, enfila une chemise bleu pâle et un costume léger, puis hésita un moment avant de renoncer à la cravate. Depuis la veille, il avait réservé une table au jardin de l'opéra où il avait donné rendez-vous à Pascal. Il adorait la regarder dévorer d'un air gourmand. C'était exactement le genre de femme capable d'apprécier la cuisine d'un grand chef. De toute façon, il ne lui trouvait que des qualités. Il était éperdument amoureux d'elle et très content de l'être. Il décida de gagner la place du Capitole à pied afin de ne pas se retrouver avec deux voitures en sortant du restaurant. Remontant d'abord vers le musée des Augustins, il coupa par la rue de la Pomme et celle du Poids de l'Huile. Parvenu sur la place, il s'arrêta un instant, séduit comme chaque fois par l'architecture du lieu, avec toutes les façades de briques du 19e, s'élevant au-dessus des arcades de la galerie. Au beau milieu, l'impressionnante croix du Languedoc au ruban de bronze, et puis les colonnes et pilastres ioniques de l'hôtel de ville, plus ancien, abritant le célèbre théâtre dans son aile droite. Il baissa les yeux vers sa montre qui indiquait 20h30. Pascal n'était jamais en retard, aussi se dépêcha-t-il de regagner le porche des jardins de l'opéra. Une fois sous la grande verrière de la salle, il se laissa guider par un maître d'hôtel jusqu'à sa table, où Pascal était déjà installé. « Je t'ai fait attendre ?» s'inquiéta-t-il navré. « Non, je viens d'arriver. Quel endroit magnifique ! On m'a donné la carte pour me distraire, mais je me sens perdue, tu vas devoir m'aider. » Elle souriait la tête levée vers lui, il la trouva tellement belle qu'il en fut tout ému. Ses longs cheveux étaient relevés en chignon. Elle portait un petit Spencer blanc à col officier, ouvert sur un bustier noir, avec pour unique bijou un pendentif en or représentant un croissant de lune. Depuis quelques semaines, il était très attentif à ce genre de détails et avait remarqué qu'elle préférait l'or jaune. La bague qui se trouvait dans un écrin au fond de sa poche avait été choisie en conséquence. Il faillit la lui donner sur le champ, mais n'en eut pas le courage. Mieux valait patienter et guetter le bon moment, d'autant qu'il n'avait aucune idée des mots à dire en la lui offrant. Qu'il voulait l'épouser ? Elle risquait de se mettre à rire ou de le juger maladroit, trop pressé, ridiculement conventionnel. « Tu me recommanderais le ravioli de foie gras au jus de truffe ?» demanda-t-elle les yeux rivés sur la carte. « Ici, tout est absolument délicieux. En particulier la trilogie de la Pro et le suprême de Pigeonneau au parfum d'épices. Veux-tu un peu de champagne, le temps de te décider ? On fête quelque chose de spécial ?» De nouveau, il fut tenté de sortir l'écrin, mais l'arrivée du maître d'hôtel l'en empêcha. Peut-être devrait-il attendre la fin de la soirée, lorsqu'ils auraient regagné l'hôtel particulier ? Chez lui, il se sentirait sûrement plus à l'aise pour une déclaration. Soulagé par ce délai qu'il s'accordait, il se détendit enfin. « Tu es superbe, » dit-il à mi-voix. « Tous les hommes doivent m'envier. »« À condition d'aimer les brunes ?» répliqua-t-elle en éclatant de rire. Sa gaieté était l'une des choses qu'il appréciait. Malgré ses soucis ou ses angoisses, elle était capable de s'amuser telle une gamine, sans jamais se prendre au sérieux. Même dans leurs conversations les plus graves, elle trouvait le moyen de glisser une pointe d'humour, comme si en tant que médecin, elle préférait toujours dédramatiser. Comparée à ses précédentes liaisons, Pascal lui semblait tellement idéal qu'elle en devenait presque une gageure, et il se mettait à douter de lui. N'était-elle pas la seule femme qui ait réussi à le faire rougir ? La seule aussi, ironie du sort, dont il ne pouvait pas parler à son meilleur ami. Comme prévu, elle fit honneur au dîner, allant même jusqu'à goûter dans son assiette à lui les plats qu'elle n'avait pas choisis, et n'hésitant pas à choisir des figues pochées au bagnoules pour finir. Pendant tout ce temps-là, il continua à tripoter l'écrin au fond de sa poche, quasiment sans la quitter des yeux. Lorsqu'ils quittèrent les jardins de l'opéra, il était presque minuit. Ils récupérèrent la voiture de Pascal au parking de la place et trouvèrent à se garer juste à l'entrée de la rue Nino. « Je vais nous faire du café ou du thé, comme tu préfères », proposa-t-il en la laissant entrer la première dans l'hôtel particulier. Elle l'accompagna jusqu'à la cuisine et s'installa devant le comptoir de drapier tandis qu'il mettait de l'eau à chauffer. « C'était une merveilleuse soirée, Laurent. Nous avons divinement mangé. » Un peu nerveux, il faillit renverser la théière, conscient que le moment de parler était venu. « J'ai quelque chose à te dire », réussit-il à articuler. « Tu as l'air terriblement sérieux ?»« Je le suis. » »« Non, s'il te plaît. » Elle quitta son tabouret, contourna le comptoir et vint lui passer les bras autour du cou. « Rien de sérieux », murmura-t-elle. Sur la pointe des pieds, elle l'embrassa pour le faire taire. « Pascal, écoute-moi », dit-il en se dégageant. Soudain, il eut peur d'être en train de commettre une erreur, mais il ne pouvait plus reculer. « Je vais te faire une déclaration d'amour et une demande en mariage. C'est si terrible. Elle s'écarta d'un pas, laissa retomber ses bras. « Laurent, » souffla-t-elle. Immédiatement, il sut qu'elle ne voulait pas, qu'il s'était trompé. Et parce qu'aucun mot ne pouvait exprimer ce qu'il ressentait, il la prit par les épaules et la tira contre lui afin qu'elle cesse de le regarder. Ils restèrent enlacés un moment, silencieux l'un et l'autre. « J'ai été trop vite ?» chuchota-t-il. « Je suis désolée. » Elle ne bougeait pas, crispée, agrippée à lui. En lui parlant, il l'avait mise dans l'obligation de répondre. Seulement, il n'avait plus aucune envie d'entendre ce qu'elle allait lui annoncer, inéluctablement. « Je ne peux pas, Laurent, » commença-t-elle d'une voix mal assurée. « Je ne peux pas te laisser croire que... »« D'accord, n'ajoute rien. Tu ne m'aimes pas, c'est ça ?» Il n'espérait plus grand-chose, surtout pas des mots de compassion. Pourtant, il quémanda malgré lui. « Reste au moins avec moi cette nuit. »« Laurent, » répéta-t-elle seulement. À l'idée de la perdre, la souffrance le submergea. À deux reprises par le passé, il avait voulu construire avec une femme, et à chaque échec, il s'était juré que ce serait la dernière fois, qu'il n'y croirait plus jamais. Mais pour Pascal, c'était différent. Elle représentait un idéal auquel il n'avait même pas aspiré, dont il n'aurait pas osé rêver, et qui était arrivé dans sa vie comme un cadeau à point nommé. « Tu n'es pas prête à refaire ta vie, ou c'est de moi que tu ne veux pas ?» Pourquoi insistait-il malgré lui ? Sa seule certitude était de lui avoir inspiré du désir, ce qui ne lui donnait aucun droit, peut-être même aucun espoir. Il sentit qu'elle allait chercher à lui échapper, et stupidement il la serra plus fort. « S'il te plaît, reste, laisse-moi te faire l'amour. » Il le voulait, de manière urgente, pour conjurer la condamnation qu'elle risquait de prononcer. Leur entente physique était parfaite. En quelques instants, ils pouvaient se retrouver éperdus l'un et l'autre, submergés par l'envie de se rejoindre dans le plaisir. « Lâche-moi, Laurent, il faut que je te parle. » Sa voix calme, déterminée, sa voix de médecin, lui fit l'effet d'une douche froide. Il se mordit les lèvres en la laissant reculer, furieux contre lui-même. Lorsqu'elle leva la main, il s'attendait presque à un geste agressif. Mais elle fit glisser ses doigts sur sa tempe, sa pommette, sa joue, avec une sorte de douceur triste. « Tu as été parfait, ne regrette rien. C'est moi qui ne suis pas en mesure de... J'ai cru que j'allais t'aimer, je me suis trompée, pardon. Être bien avec toi ne peut pas te suffire, je le sais. Alors je voulais te le dire ce soir seulement, nous avons passé une si bonne soirée. Et c'est toujours comme ça quand nous sommes ensemble. Depuis que je te connais, tu fais tout pour m'aider, pour me faciliter la vie. En plus, tu es un homme tellement séduisant et ainsi merveilleux amant que... Je suis très malheureuse de ce qui arrive, Laurent. » Il ne pouvait pas douter de sa sincérité, parce qu'elle avait soudain les larmes aux yeux. Néanmoins, il eut l'impression qu'elle venait de l'exécuter à bout portant. « C'est à cause de Samuel ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Elle le considéra d'abord avec étonnement, puis elle se troubla peu à peu, perdant contenance. « Sam ? Non, quel rapport ?» D'un seul coup, il lâcha prise, pressé qu'elle s'en aille. « Bien. On s'est tout dit, je crois. » La bague était toujours dans sa poche. Dieu merci, il s'était assez ridiculisé pour ce soir. Il la vit prendre son manteau, et par réflexe, il l'aida à l'enfiler. Est-ce qu'elle allait vraiment partir pour toujours, disparaître de sa vie ? À nouveau, il eut envie de transiger, de se raccrocher à n'importe quel espoir. Mais il lui restait assez d'orgueil pour se taire. Il la raccompagna jusque dans la rue, la suivit des yeux tandis qu'elle gagnait sa voiture. Existait-il une seule autre femme possédant sa démarche ? Il entendit la portière claquer, le moteur démarrait, et il tâta à travers sa veste l'écrin dérisoire.